la nuit, à courir dans le vent. Même encore endormi, ils ne l'ont jamais su, à travers de sa vue, tomber dans ses vêtements. Ils nous ont toujours parlé, tout le mal poigné par en dedans, se sentir terrassé par tous ces événements. C'est pourtant invisible, pour pas rater sa cible, change-moi donc par en dedans. Ils diront mais pourtant, c'est un peu comme dans la tête, tout se passe comme par en dedans. L'univers dans la tête, pour la moitié du temps. Se sentir créatif, jusqu'au bout de les griffes, amène-moi ton dessin, me v'là parti en vain. Et les plans sont changés, de la manière comme c'est parti. On se l'avait promis, c'est toujours ce qu'on s'est dit. Imaginez la vie, un monde sans soucis, c'est pourtant bien parti. Amène-moi ton pari. Ils nous ont toujours demandé, c'était encore possible, de ne jamais rater sa cible, de partir en exil. Du jour au lendemain, de l'intro au refrain, toujours se laver les mains, avoir de son destin. Ils nous ont toujours rapprochés d'être un être gentil par en dedans, se sentir accroché par tous les événements. Pour la plupart du temps, tout le monde est sur les dents. Ils diront mais pourtant, ignorer dans le temps. C'est pourtant dans la tête, tout se passe comme par en dedans. L'univers dans la tête, pour la moitié du temps. Se sentir créatif, jusqu'au bout de les griffes. Amène-moi ton dessin, me veux partir en vain. Et les plans sont changés, de la manière comme c'est parti. On se l'avait promis, c'est toujours ce qu'on s'est dit. Imaginez la vie, un monde sans soucis, c'est pourtant bien parti. Amène-moi ton pari. C'est un peu comme dans la tête, tout se passe comme par en dedans. L'univers dans la tête, pour la moitié du temps. Se sentir créatif, jusqu'au bout de les griffes. Amène-moi ton dessin, m'en partir en vain.